Voici l'histoire d'une âme du purgatoire, de l'historien Florentin Jean Villania, du temps du pontife Jean, 22e du nom, alors qu'Avignon était le siège des papes, et que Charles le Bel régnait en France. L'âme d'un bourgeois, décédé avant la fête des rois, fut tout abandonné de ses proches qui ne priaient pas pour lui. Il apparut dans la ville d'Arles, de manière visible, et dit des choses merveilleuses de l'autre monde, et des peines du purgatoire. Le gardien, prieur des Jacobins d'Arles en Provence, homme de bien, de sainte vie, accompagné de religieux de son couvent, examina cette âme, et la conjura en présence d'un nombre de gens de bien de la ville. Il apporta avec lui la sainte hostie, pensant que cette âme fût un esprit de diable déguisé, se disant être l'âme d'un mort, ou que ce fût quelque imposteur se feignant esprit. Le gardien prieur le conjura au nom du Dieu vivant, et par la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Sacrement de l'autel, pour qu'il dise ce qu'il était. Quand l'âme vit le corps de notre Sauveur Jésus-Christ, elle se découvrit aussitôt pour ce qu'elle était, et adora, en confessant qu'il est le vrai Seigneur, et disant au gardien prieur, « Tu as avec toi le Sauveur du monde. » Satisfaite à la demande du gardien prieur, l'âme du bourgeois demanda du secours, autant qu'à ses confrères, que par leur prière il puisse entrer dans les joies du paradis, desquelles il était exclu pour un temps, jusqu'à l'entière satisfaction de la justice de Dieu, due aux fautes commises durant sa vie. Ayant dit cela, l'âme du bourgeois disparut et ne fut depuis jamais revue.